France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, chaque jour, à 16h, du lundi au vendredi, toujours bien sûr en direct du studio numéro 1 de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre programme aujourd'hui, eh bien je pourrais l'intituler délibérément « Balade chez les gogos et la manière de montrer leur fadaise ». On pourrait l'intituler comme ça. En tout cas, nous sommes en compagnie, mais par la magie des ondes électromagnétiques, avec Henri Brock, qui est le directeur du laboratoire de zététique à Nice. Et nous allons voir tout ça, et nous allons voir en particulier comment s'animent, s'agitent et fonctionnent les faussaires. Mais tout de suite, bien sûr, et là, pour parler vrai, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un organisme unicellulaire. Un protiste nommé Physarum polycephalum. Un protiste donc capable d'apprendre. Car, pour la première fois, des chercheurs viennent de démontrer qu'un organisme dépourvu de système nerveux est capable d'apprentissage. C'est une équipe française. Une équipe française donc qui a réussi à démontrer qu'un protiste, encore une fois, est capable d'une forme d'apprentissage que l'on nomme habituellement habituation. Cette découverte permet d'éclairer l'origine de la capacité d'apprentissage durant l'évolution, bien sûr. Et cela avant même l'apparition du système nerveux et du cerveau. La capacité d'apprentissage et la mémoire sont des éléments clés dans le monde animal. Tirer des leçons de ses propres expériences et adapter son comportement en conséquence est bien sûr vital pour un animal qui vit dans un environnement toujours fluctuant, toujours potentiellement dangereux. Et cette faculté est généralement considérée comme l'apanage de l'organisme doté, encore une fois, d'un cerveau et d'un système nerveux. Et pourtant, les organismes unicellulaires doivent, eux aussi, s'adapter au changement. Manifeste-t-il alors des capacités d'apprentissage? Des bactéries ont certes une faculté d'adaptation, mais elles se produisent sur plusieurs générations et relèvent donc plutôt de l'évolution et du crible de l'adaptation. Mais là, cette fois, cette équipe de biologistes a donc cherché à apporter la preuve qu'un organisme unicellulaire pouvait vraiment apprendre. Ils ont pour cela choisi d'étudier, de prendre... ce fameux protiste polycéphalum. C'est une cellule géante qui vit dans les sous-bois et fait preuve, encore une fois, comme vous allez le voir, d'étonnantes aptitudes. Ainsi, polycéphalum sait résoudre un labyrinthe, éviter des pièges ou optimiser sa nutrition. Mais on savait très peu de choses sur sa capacité d'apprentissage stricto sensu. Lors d'une expérience de 9 jours, les scientifiques ont donc confronté différents groupes de ces protistes à des substances amères, mais inoffensives, qu'ils devaient traverser afin d'atteindre une source de nourriture. Un groupe était ainsi confronté à un pont imprégné de quinine, un autre de caféine, tandis qu'un groupe témoin devait simplement passer sur un pont qui lui était non imprégné. Au tout début, réticents à franchir les substances amères, les protistes ont appris, au fur et à mesure des jours, qu'elles étaient inoffensives, et alors elles les ont traversées de plus en plus rapidement, se comportant au bout de 6 jours de la même façon que le groupe témoin, celui qui passait sur un pont neutre. La cellule a donc appris à ne plus craindre une substance inoffensive après y avoir été confrontée à plusieurs reprises. Ce phénomène, les scientifiques encore une fois le nomment habituation, mais au bout de 2 jours, sans contact avec la substance amère, le protiste retrouve alors son comportement initial de méfiance. Par ailleurs, un protiste habitué à la caféine manifeste un comportement de défiance vis-à-vis de la quinine et inversement, l'habituation est donc bien spécifique à une substance donnée. Cette découverte chez ce protiste, lointain cousin des plantes, des champignons et des animaux apparus sur Terre il y a quelques 500 millions d'années avant l'homme, permet de mieux comprendre, ou permettra encore, puisque les études vont se poursuivre, de mieux comprendre les origines et de l'apprentissage qui précèdent de loin, celle des systèmes nerveux et des cerveaux. Bonjour Henri Brock. Bonjour. Je suis évidemment obligé de vous demander si vous avez subi quelques frimas venant de votre montagne dans les Alpes de Haute-Provence, c'est bien ça? Ah non, c'est jusqu'à pas les Alpes de Provence. Non, c'est pas les Alpes. Oui, c'est pas très loin. C'est pas si haut que ça. Non, c'est pas très loin. Alors, première question, évidemment, est-ce que vous avez pensé que là, c'était bien contrôlé, bien calibré, l'expérience qui a été menée par ces chercheurs? Parce que c'est la première question à poser. Oui, c'est intéressant de voir un petit peu, finalement, on apprend tous les jours, il y a des tas de choses absolument incroyables dans la nature, et c'est vraiment, même au niveau de petits organismes comme ça, il y a des choses absolument époustouflantes, et c'est ça qui fait finalement la beauté de la recherche scientifique, je crois. C'est vraiment, on peut s'émerveiller tous les jours à partir de phénomènes comme ça, quoi. Et évidemment pas à essayer de tordre ou à croire ceux qui tordent les cuillères à distance. Exactement. Alors, nous sommes autour d'un livre qui s'appelle « Au cœur de l'extra-trait d'union ordinaire », qui a des compléments, hein, parce que c'est un livre où vous développez, c'est un fort ouvrage, où vous développez des exemples en rappelant les principes, mais vous avez aussi deux petits ouvrages qui sont aux mêmes éditions, qu'on peut avoir en e-book ou pas, qui s'appellent « Bookie Book », et qui, ces deux ouvrages, sont dans une collection qui s'appelle « Une chandelle dans les ténèbres » et qui porte le titre de « L'art du doute » ou « Comment s'affranchir du prêtre à penser » et l'autre « Comment déjouer les pièges de l'information » ou « Les règles d'or » de la zététique. Alors, évidemment, la zététique, on peut lui proposer une définition, vous allez me dire ce qu'il faut lui rajouter. C'est ceux qui doutent, qui cherchent, ceux qui veulent résoudre des problèmes, et non ceux qui croient par avance. Est-ce que c'est une bonne définition que j'ai extraite? Oui, je crois que c'est une bonne définition. Moi, pour ma part, je dis c'est l'art du doute. C'est-à-dire ça sert à définir la zététique en tant que méthode. C'est un outil. Quelquefois, on me demande ce que c'est une discipline. C'est pas une discipline. C'est une méthode qui s'applique dans tous les domaines. Et c'est finalement le strict équivalent de méthodologie scientifique. Hein. Oui. Ça vient du grec zetein qui veut dire chercher. Donc c'est la méthode qu'on applique dans toute recherche, finalement, quel que soit le domaine que l'on traite. C'est ça. C'est le premier courant d'ailleurs de tous les Pyrrhoniens qui sont généralement considérés comme sceptiques. Et qui sont donc les chercheurs, effectivement, ceux qui cherchent, et on finira par ceux qui sont dans l'aporétique, c'est-à-dire qui n'ont pas trouvé de solution finale, ce qui d'ailleurs est, là encore, une manière de définir la vérité dans les sciences. La vérité porte un nom, c'est un résultat avéré pendant un certain temps, et qui est en puissance quelque chose de falsifiable. Oui, c'est ça la grosse différence justement de la science par rapport aux autres domaines, parce que les champs cognitifs, il y en a plusieurs, mais la science, le domaine scientifique, c'est très particulier, parce que c'est le seul qui a un système autocorrectif. C'est-à-dire que c'est la science qui se corrige elle-même. Alors peut-être c'est pas tout de suite, c'est au bout d'une semaine, c'est au bout d'une décennie, c'est au bout d'un siècle, mais il y a toujours une progression qui se fait, et donc avec ce processus continu, ça permet d'approcher de manière de plus en plus fine un petit peu ce qu'on pourrait appeler la vérité, entre guillemets, hein, sans connotation philosophique derrière, ça permet de gagner les décimales et de comprendre de mieux en mieux comment les phénomènes se produisent. Alors vous dirigez ce laboratoire qui est donc nommé laboratoire de zététique, il est 6 dans l'université de Nice, c'est bien ça? Oui, c'est sur le campus Valrose, au centre de Nice. C'est une toute petite structure. C'est une structure ouverte qui a été créée en 1998. En fait, il y a eu un enseignement qui a démarré avant. J'ai démarré un enseignement zététique au début des années 80. Et il s'est structuré ensuite à partir de 1993, où là, il est devenu vraiment officiel. Donc, enseignement de zététique pour essayer de faire mieux passer la méthodologie scientifique au niveau des étudiants. En fait, pour vous dire comment ça a démarré, à l'époque, en 82-83, on enseignait la relativité aux étudiants. À l'époque, c'était des Doug, on appelait ça les Doug, Doug A et Doug B. Et il s'est trouvé qu'il y avait encore un petit peu des réminiscences de Uri Geller. Oula. C'était le médium qui tordait les clés, vous rappelez, qui tordait les clés, les petites cuillères, soi-disant par le pouvoir de l'esprit. Et donc, en me rendant compte que les étudiants, ben, finalement, parlaient pas mal de ces phénomènes, j'ai mené une petite enquête donc sur l'ensemble des docs de l'Université de Nice, en essayant de comparer, de leur faire comparer par des questions, la psychokinèse, donc le soi-disant pouvoir de l'esprit sur la matière, à la relativité. Et là, ben, grande a été ma surprise, parce que la torsion des cuillères par le seul pouvoir de l'esprit, donc ce qu'était censé faire monsieur Uri Geller, il y avait quasiment 7 étudiants sur 10 qui pensaient que c'était un acquis scientifique, c'est-à-dire que c'était prouvé scientifiquement, que les labos l'avaient démontré, enfin que des recherches dans les labos l'avaient démontré. Et parallèlement, simultanément plutôt, on avait un étudiant sur deux qui pensait que la dilatation relativiste du temps, c'était, écoutez bien, une pure spéculation théorique. Donc c'est là que je me suis dit, bon, il y a un petit problème dans ma manière d'enseigner. Et donc j'ai décidé de créer un enseignement un peu particulier, à savoir me servir des phénomènes extraordinaires, en deux mots, hein, comme vous disiez tout à l'heure, qui sortent de l'ordinaire, comme support. C'est un support motivant pour faire comprendre aux étudiants ce qu'est la méthode scientifique qu'on peut appliquer sur ces phénomènes pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'il y a réellement derrière. Donc, vous avez commencé cette carrière de l'orgneur, sous le voile des miracles. Hein, alors, je vous en propose un d'abord. On va le faire rapidement, mais pour montrer, parce que un de vos premiers principes, c'est de regarder très attentivement les détails. Ils m'ont fait presque tous rire, en tout cas ceux du début. Voilà qu'apparaît l'homo pongoïde. Ouh là là. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est, cet homo pongoïde? Ah oui, c'est très particulier. C'est-à-dire que ça serait un descendant des néandertaliens, oui, découvert par des cryptozoologistes. Ouais, il a été présenté comme tel, disons, par des cryptozoologistes, en particulier Bernard Heuvelmans. C'est lui qui lui a donné ce nom un peu scientifique, ce nom de baptême, l'homo pongoïde. Alors c'est une créature d'apparence humaine qui était en fait montrée, exhibée, disons, congelée dans un cercueil de glace. Ça a démarré dans les années 67-68 aux États-Unis, au Minnesota. Et donc c'était un phénomène de foire en quelque sorte. Et de là, les médias s'en sont emparés et ça a donné un petit peu des titres du style « L'homme de Néandertal est toujours vivant, hein, même s'il était soi-disant dans un bloc de glace ». Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, dès l'origine, on sait à peu près que bon, c'est un être fabuleux, tout simplement à base de caoutchouc. Donc il a été fabriqué par un monsieur Howard Ball, qui était à l'époque le spécialiste des fabrications de modèles pour Disneyland, pour les, vous savez, les créatures préhistoriques, oui, etc. Et donc, voilà, finalement, la solution, elle est très très simple, mais ce qui est incroyable, c'est que ça a perduré. Ensuite, il a un petit peu disparu. On l'a retrouvé en France, en tout cas, c'est quasiment certain que ce soit le même. En 97, j'ai été alerté par des collègues qui avaient donc un homme de Néandertal dans un bloc de glace qui était exposé dans la Creuse. Le problème, c'est le temps que je me renseigne un peu, il était déjà parti vers l'Italie. Et tout récemment, c'est assez curieux, parce que bon, c'est quelque chose qui a donc plus de 40 ans, ouais. Et bien, il est réapparu en 2013. Il a été vendu sur eBay, un peu plus de $20,000, en tout cas ça c'était le prix de départ. Et actuellement, il est donc à Austin, au Texas, dans le musée de l'étrange, et il est présenté comme un homme, disons, préhistorique, entre guillemets, qui serait conservé dans de la glace. Alors que bon, c'est tout simplement un petit bonhomme en caoutchouc. Évidemment. Enfin, grand bonhomme en caoutchouc. Fait par un spécialiste ou un maquettiste de Disneyland, c'est bien, ouais. on a tout à fait compris. Alors, là encore, autre principe, vous dites, toute précision est bonne à connaître et à prendre en compte éventuellement. Très vite, pour aller sur le monstre du Loch Ness, donc ça apparaît à un moment, on va pas rentrer dans les détails, ça se passe autour ça se passe même le 2 mai 1933, et là, si on regarde, je vais tout de suite, donc évidemment le monstre du Loch Ness, ça dure encore, et là on s'aperçoit très vite, en regardant dans le détail, que c'est un garde, un garde des eaux, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Un garde de pêche. Ouais. Un garde de pêche, voilà, qui a écrit l'article qui est passé dans le Petit Canard de la ville dont dépend ce lac, la ville qui est proche de ce lac. Et puis en avançant, on découvre que un certain John McKay et son épouse, sont tout simplement gérants d'un hôtel dans le village de Dunadrodik. C'est pas facile à prononcer. Drumnadrokit, je sais pas comment on prononce le celte. Donc, c'est là qu'on voit bien que les petits détails, finalement, c'est ce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Moi, je dis toujours, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Il était présenté comme un homme d'affaires. Oui. Donc, on nous dit un homme d'affaires qui travaille près d'Inverness, etc. On nous parle de sa femme également. Mais on ne donne pas les petites précisions qu'aurait pu quand même signaler qu'il est dans les affaires, mais pas n'importe lesquelles. Il est gérant de l'hôtel. du village qui est justement à côté du lac. Donc manifestement, il y a quand même un petit intérêt au moins touristique pour qu'il y ait un petit monstre qui se manifeste. Alors il y a un tonton, on va passer, je l'appelle comme ça, hein, mais il est un champion de la lévitation, c'est toujours dans les années 30, mais là encore, quand on regarde bien, un certain Carlos Mirabelli, tiens Mirabelli, ça fait bon, mais enfin bref, et en 34 on prend une photo de lui, il flotte dans les airs tranquillement, blouse blanche, à un mètre du sol, et il faudra attendre 57 ans pour qu'un chercheur, Gordon Stein, découvre, là encore je vous cite hein, bien sûr, l'original de la photo, du Carlos flottant, donc. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a des retouches successives. Et tout simplement, il s'est mis tranquillement sur un escabeau. Eh oui, ça paraît incroyable, mais quelquefois, c'est les trucages les plus simples qui perdurent quelquefois le plus longtemps. Cela dit, si les auditeurs veulent voir une belle lévitation, je les invite à aller sur le réseau, sur Internet. Il suffit qu'ils tapent Université de Nice et lévitation, et puis ils auront accès à une petite lévitation, une très très belle lévitation, garantie vidéo non truquée, pas de retouche, rien, et vous verrez des étudiants qui lévitent. Ah. C'est quand même plus joli que le Carlos Mirabelli de l'époque. Eh oui, donc c'est les c'est vos hommes flottants à vous, donc on peut. Voilà, c'est les étudiants dans ce cas-là, c'est des étudiants de zététique faisant de la lévitation. Bon, évidemment, à chaque fois que vous agissez, dans tous les cas de figure, et là encore c'est un de vos principes, hein, il faut avancer, juger donc les choses présentées ou l'explication des phénomènes sur des données contrôlables et contrôlées, ou contrôlées, bien évidemment. Ouais. Et c'est à ça que vous appliquez quand on vous propose des choses tout à fait extraordinaires. Il y a une sorte d'aphorisme pour ce qui est de l'explication quand on a un candidat qui, lui, a utilisé des perceptions extrasensorielles. Alors, il a obtenu des résultats dépassant, voilà ce que répond celui qui y croit, hein, ceux du hasard. Alors, comment votre sujet a-t-il obtenu ces résultats dépassant ceux du hasard? Réponse, il a tout simplement utilisé la perception extrasensorielle. Vous appelez ça l'effet cerceau. L'effet cerceau, ouais. Ça se rend compte souvent. C'est un effet qui intervient vraiment. Alors, quelquefois, c'est assez facile à détecter, effectivement, dans des types de raisonnement. Quelquefois, c'est un petit peu plus difficile à détecter. Un très bel effet cerceau, c'est par exemple dans une étude qui a été menée par des physiciens américains sur le suaire de Turin, où ils ont prétendu avoir découvert donc une information trois dimensions, une information de relief qui serait contenue à l'intérieur de l'image du suaire. Oui. Et en fait, quand on regarde la publication d'origine, alors évidemment, bon, il y a plus d'une dizaine de pages, il y a des maths partout, donc il y a pas foule, disons, pour aller voir, mais il suffit de lire la publication, on voit bien que c'est un magnifique effet cerceau. C'est-à-dire qu'ils ont introduit à l'intérieur de leur appareil, pour faire la mesure, un VP8, un analyseur d'image de la NASA, ils ont introduit l'image qu'ils voulaient retrouver à la sortie. Et ça se démontre très, très simplement avec les équations qu'ils ont. On montre que manifestement, c'est un magnifique effet cerceau. Ils ont mis au départ l'image du corps qu'ils comptaient retrouver, qui d'ailleurs est une image qui montre un corps de 2 à 3 cm. Donc qui montre que c'était un bas-relief justement qui a servi à fabriquer le corps. Mais c'est assez incroyable de montrer que finalement, cette publication, elle a fait le tour du monde. C'est une publication, donc, Applied Optics, c'est une revue sérieuse et tout, il y a les référés. C'est passé comme une lettre à la poste, alors que c'est un magnifique effet cerceau. Ils ont mis au début ce qu'ils voulaient trouver, in fine. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Toujours en direct avec Henri Brock, toujours en direct à travers les ondes, puisque Henri Brock est à Nice pour dialoguer avec nous. Alors évidemment, il y a une chose que je trouve très drôle. On va pas regarder le développement de tous ceux qui parlent de privation sensorielle, ainsi de suite. Mais vous avez posé la question à quelqu'un par rapport à des facultés paranormales. La privation sensorielle, on appelle ça Ganzled, non? C'est un nom spécial, non? Oui, c'est pour dire simplement qu'on enlève un petit peu tous les stimuli extérieurs qui peuvent arriver. D'accord. Alors là, je trouve qu'il a une très bonne définition, votre ami, d'un positivisme tout à fait déclaré. C'est par exemple, dit-il, le fait d'introduire, ou d'enduire plus exactement, de vaseline, la cheminée, est-ce que ça aide mieux la glisse du Père Noël à l'intérieur de celle-ci? Exactement. Et oui, c'est parce que, en fait, les gens se posaient la question, est-ce que quand on prive les gens de tous les stimuli extérieurs, leurs pouvoirs paranormaux seront augmentés, est-ce que leur perception extrasensorielle sera augmentée? Et là, manifestement, il y a un défaut, et c'est pour ça qu'on l'explique avec la vaseline et la cheminée pour le Père Noël, c'est-à-dire qu'il présuppose déjà que la perception extrasensorielle a été démontrée. Donc ils mettent la charrue avant les bœufs, c'est vraiment la dent d'or de Fontenelle, c'est-à-dire que d'abord il faut s'intéresser au phénomène et essayer de voir si le phénomène existe. On essaie de non pas de le contrôler, de le comprendre, mais simplement de vérifier qu'il existe. À partir du moment où on aura l'existence du phénomène qui est attesté, alors on pourra commencer à s'y intéresser, à faire des expériences et essayer de comprendre, et peut-être de faire des théories pour l'expliquer. Mais tandis que là, on cherche à expliquer, on cherche même à améliorer quelque chose qu'on n'a pas encore observé. C'est quand même assez paradoxal. Alors, ce qui est aussi encore plus paradoxal, et là encore, mais c'est presque drôle tout le temps, sauf qu'il faut beaucoup d'applications quand on voit le nombre de gens. Alors évidemment, savoir quel est le taux de croyances véritables qu'ils ont avec, par exemple, l'horoscope, on y viendra bien sûr tout à l'heure, mais en tout cas le nombre de gogo qui croient des trucs absolument invraisemblables. Par exemple, les ondes négatives, argument, alors on se réunit, on fait agir celui qui donc a la possibilité de mobiliser des ondes négatives, enfin des ondes particulières, pardon, excusez-moi, mais voilà que il y a un sceptique dans l'assistance. Et ce sceptique, lui, par sa seule présence, casse, justement, je m'étais trompé en commençant, par des ondes négatives, il contrarie par les ondes négatives tous les effets absolument miraculeux de celui qui, à l'ordinaire, les réussit très bien. Bref, il y a un objecteur du paranormal là et tout s'arrête. Et votre réflexion à la suite de ça est, là encore, drôle. Parce que vous dites que il suffit d'un seul dans l'univers, un seul sceptique, pour que tout ça s'arrête. Oui, parce que la revendication, c'est que justement, les soi-disant ondes négatives des sceptiques, des scientifiques, hein, parce que c'est ça que ça veut dire derrière, eh bien, il n'y a pas d'écran qui les arrête. Alors, quand on a fait des tests, par exemple, au niveau de médium, magnétiseur, etc., les gens, justement, nous disaient, oui, mais vous êtes sceptique, donc en présence de sceptiques, ça peut pas se produire. Oui. Alors, on leur a dit, y a pas de problème, écoutez, vous parlez de torsion de cuillère, quelqu'un nous disait qu'il pouvait tordre des cuillères. Alors, j'ai posé la question, est-ce que, par exemple, le carton, le papier arrête votre fluide? Non, ça l'arrête pas. Est-ce que le carton arrête votre fluide? Non, ça marche toujours. Est-ce que le verre arrête votre fluide? On me dit non. Alors, à ce moment-là, je dis, ok, parfait. Du moment que le verre n'arrête pas le fluide, j'ai pris une petite une éprouvette, comme on a à la fac en chimie. À l'intérieur, j'ai mis une petite cuillère. Et puis, j'ai fait sceller par le verrier l'éprouvette aux deux côtés. Donc, on a une ampoule en verre avec à l'intérieur une petite cuillère. On donne ça au médium et il va où il veut. Il peut aller au Guatemala, en Papouasie, en Laponie. Donc, il est loin de toutes les ondes négatives qu'on pourrait émettre. Il faut simplement qu'il se concentre, qu'il torde la cuillère et qu'il nous la ramène avec, évidemment, l'ampoule non cassée. Je vous dis, l'ampoule est marquée aussi sous microscope et la cuillère aussi. On a pris des précautions. Mais donc, il peut absolument faire son expérience, comme il dit, dans les meilleures conditions. Nous, on n'est pas là. Donc, pas de scientifique avec des ondes sceptiques négatives à côté qui pourraient le gêner. Chaque fois qu'on a fait des tests comme ça, eh bien finalement la cuillère elle est restée tout à fait normale et droite. Alors je vous propose de glisser rapidement vers, pas sûr, vers les mancies de tout ordre, bien évidemment, à nouveau donc les astrologues. On peut peut-être commencer par regarder ce qui est presque sous forme de syllogisme, comme ça va nous permettre d'introduire le sujet en donnant presque une forme de conclusion. Vous dites que, en tout cas pour ceux qui croient que le destin est vraiment déterminé, alors 1. Si la prédestination est absolue, connaître son destin ne le modifie en rien, puisque vous ne pouvez rien faire qui puisse le changer de 1 iota. Ou, deuxièmement, si la prédestination n'est pas absolue, alors l'homme est complètement modifier son destin, d'une certaine façon. Et obligatoirement, en conséquence, les astres se sont trompés. Voilà. Et pour finir, les astres formeraient-ils le moyen à la fois de connaître leurs propres décisions et en même temps de les rendre fausses? Oui, alors voilà, c'est ça qui montre bien comment l'astrologie fonctionne. Parce que très souvent, quels que soient les phénomènes paranormaux, là on parle de l'astrologie, mais le raisonnement est un petit peu le même partout. C'est est-ce que cela fonctionne et assez souvent, on pourrait même répondre oui, alors que les gens pensent que les scientifiques vont répondre non. Bien, on répond oui, mais après, on pose une deuxième question, est-ce que cela fonctionne pour les raisons qui sont revendiquées? Oui. Et là, on peut montrer que non, justement, en faisant des petites expériences simples. Par exemple, est-ce que les étoiles ont une influence sur le destin d'une personne? Bien, on peut montrer que non. Par contre, l'horoscope, la lecture de l'horoscope peut en avoir. Mais c'est la lecture de l'horoscope, c'est pas l'horoscope en soi et ce que ça traduit au point de vue position stellaire, quoi. Bien sûr, c'est évidemment la croyance que vous analysez ou l'image qu'on s'en forme, d'ailleurs vous analysez finement. En tout cas, quand on regarde là, on peut être tout à fait étonné. Il y a eu quelques ratés quand même dans l'université française, une des plus intéressantes si je puis dire, et en même temps qu'on peut déplorer, c'est une certaine Germaine, Elisabeth Tessier, qui a soutenu une thèse en Sorbonne, qui avait comme directeur de thèse Michel Maffesoli. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette chose-là concernant le fait que ça a été crédité? En plus, elle allait, semble-t-il, rendre quelques services à François Mitterrand, ainsi de suite. Donc, Madeleine Elisabeth Tessier, qu'est-ce à dire? Bah, peut-être ça a dû jouer, mais bon, déjà, cette thèse soutenue en 2001, c'est une thèse de sociologie, enfin, qui est présentée comme une thèse de sociologie. En fait, derrière, c'était bien sûr la défense de l'astrologie, mais c'est une thèse de sociologie. Par contre, maintenant, ce que ça va donner au niveau des médias, c'est que l'astrologie a fait son entrée, finalement, à la Sorbonne, donc à Paris 5. Et je crois que c'est ça, finalement, le plus gros problème, c'est d'avoir laissé passer une thèse qui franchement est vraiment moi je l'ai lue et relue et franchement elle est vraiment bâclée, elle est mal faite, pleine de fautes d'orthographe, fautes typographiques, des erreurs de référence. Oui, elle attribue l'invention du télescope à Galilée. Là, faut le faire quand même, avec sa petite lunette. Il y en a plein comme ça. C'est étonnant. Il y en a vraiment plein. On se demande vraiment si les membres du jury ont lu la thèse, parce que pour avoir laissé passer ça, c'est même pas digne d'un brouillon d'un étudiant de première année. C'est franchement vraiment assez étonnant. Mais même dans son soi-disant art, l'astrologie, elle se trompe. Elle donne des valeurs, des résultats de calcul de signes ou quoi qui ne sont même pas corrects pour des ascendants. C'est absolument terrifiant. Elle parle de précession, elle confond le zodiac tropique, le zodiac sidéral, enfin. C'est vraiment, impossible de comprendre comment une thèse pareille a pu être soutenue. C'est-à-dire qu'il y a aussi, malheureusement, on ne va pas l'accabler, mais c'est de fait public, c'est que celui qui était son directeur de thèse, donc le professeur Maffesoli, s'est fait d'une façon entartée, de manière avec du papier, puisqu'il dirige une revue qui s'appelle Sociologie et qui a publié un article charabiesque et qui a été accepté, donc rebelote le fameux hoax, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire le canular qui avait fait, je vous laisse le dire, un physicien de New York, l'affaire Sokal. Et comme vient d'être piégé un certain Alain Badiou, qui dans les Badiou Studies, donc, a publié un article, là encore, totalement abracadantesque, et sans que cela ne gêne au passage. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi vous réservez le même sort à toutes les médecines douces? Parce qu'évidemment, vous avez dans le collimateur l'homéopathie. Oui, les médecines, c'est pareil, hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que cela fonctionne? La réponse est souvent oui, ça ne veut pas dire tout le temps, hein, mais la réponse est souvent oui. Mais après, quand on pose la question, est-ce que cela fonctionne pour les raisons qui sont invoquées? Là, on peut montrer que non, et là, il y a les expériences qui ont été faites. Hein. Oui. Il y a eu des études qui ont été menées, par exemple, sur le domaine de l'opathie, sur les dilutions, tout ça, pour voir l'effet. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence entre l'effet d'un produit homéopathique et puis l'effet placebo. C'est un effet placebo, disons, optimisé par la présentation qui en est faite. Oui, juste pour le plaisir quand même, parce que je l'ai sous les yeux et autant que je le dise, voilà l'intitulé de la thèse donc de Madeleine Germaine Tessier, qui était donc, voilà que je l'ai perdu à nouveau, situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence fascination / rejet dans les sociétés postmodernes. Bon, oui. No comment. Alors, évidemment, là, vous n'avez pas pu ne pas tester l'homéopathie. Donc, les hautes dilutions, Et là, évidemment, en particulier l'un des plus gros laboratoires, hein, le laboratoire Boiron, n'a pas accepté de le protocole que vous aviez mis. Est-ce qu'on peut le résumer rapidement, ce protocole, pour montrer que ça n'existe pas, les hautes dilutions en gardant un principe actif? Ça n'existe vraiment pas, malheureusement. Nous allons passer, vous et moi, pour d'abominables rationalistes. Alors. Oui, là, c'est pas moi qui avais fait le, c'est Jacques Théodore, c'est parce que bon, oui. Jacques Théodore fait également partie d'une équipe où on a lancé un défi, mais là, c'était hors du défi, c'était la revue Science et Vie et Jacques Théodore, oui. Qui avait lancé, donc, un appel à preuve, un défi, donc, en disant, vous prétendez avoir la démonstration de la validité de l'homéopathie, donc c'était par la mémoire de l'eau, donc venez faire la preuve. Et il y avait donc un million de francs français, oui. 1 million mis par Science et Vie et 500 000 mis par Jacques Théodore, c'est donc un collègue belge immunologiste. Mm-hmm. Et donc ils ont lancé le défi tout à fait officiellement et il n'a pas été relevé quoi. Et oui, et en particulier il n'a pas été relevé. Alors qu'il avait, semble-t-il, donné son accord avec le directeur donc des établissements Boiron. Hein, je crois que là, ça démontre bien que... Ouais, c'était le prix Mémoire de l'eau, ça devait être en 88 qu'il avait été donc lancé par Théodore et par Science et Vie. Alors ce qui est embêtant, c'est que quand même, il y en a qui sont... est-ce qu'ils passent l'AEM, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, pour ces produits qui n'ont absolument aucune... Il n'y a pas d'AMM, là, justement, pour l'homéopathie. Pour les produits homéopathiques, il n'y a pas d'AMM. D'accord. Il n'y a pas d'AMM, la raison étant certainement que, par définition, ils ne sont pas dangereux, puisqu'il n'y a rien dedans. Donc, donc en plus, là, ça ne grève pas, évidemment, le budget de la Sécu. Ouais, si, un petit peu, parce que quand vous en avez en partie qui sont remboursés, ça fait cher le kilo de sucre. Ah, vous en avez qui sont remboursés, alors j'ai mal posé ma question. Donc pas d'autorisation de mise sur le marché, mais certains remboursés. Alors là, on comprend plus rien. Oui, après ça dépend comment certainement il est prescrit, tout ça. Après là, moi je connais pas exactement le point de vue légal, au point de vue de la médecine. Ça dépend vraiment du prescripteur. Mais manifestement, c'est vrai que là il y a un problème. Pourquoi certains produits n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, alors que d'autres doivent faire la preuve justement de l'efficacité et de l'innocuité également. Il y a les deux aspects. Et pourquoi certains dits médicaments en seraient dispensés? Il n'y a pas de raison, parce que ça coûte une fortune pour des labos de faire des analyses justement comme ça pour montrer l'efficacité du produit. Évidemment, c'est fait en double aveugle et tout, il faut que ce soit fait vraiment avec des expériences sérieuses, il faut qu'il y ait un échantillon suffisamment représentatif et tout. Donc laisser diffuser des produits qui n'ont pas l'AMM, je trouve que c'est peut-être un petit peu déplacé par rapport à notre système de santé. Et on va juste avant d'aborder le problème de la dégranulation de basophile humaine provoquée par de hautes dilutions d'anti-sérum anti-IgE, on va écouter ça. Ok. Et ben voilà, c'est avec Bach qu'on a passé juste le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en votre compagnie, Henri Brock, et avec ses affaires de poudre de perlimpinpin. D'ailleurs, petit rappel juste pour faire la transition, le labo Boiron, en 2011, a fait plus de 520 millions d'euros. Je crois que c'est à peu près ça, ou j'oublie peut-être un zéro. Ce qui est drôle, c'est que Michel Rosé, qui est un grand esprit sceptique, avait intitulé donc son codex Rosé, ainsi appelé, la classification donc des produits homéopathiques. Il avait répondu simplement, alors qu'est-ce que c'est ? La classification est très simple, c'est pulvis, perlimpinpini. Pulvis poussière, hein, poussière, tu es, poussière, tu retourneras, voilà, donc... Exactement, poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin. Alors, assez vite quand même, passons, parce qu'on en a beaucoup parlé, et puis il nous a quittés, de Jacques Benveniste. Simplement, je dessine le cadre général. Paraît, donc, tout d'abord dans Le Monde, à l'époque c'était le vendredi, sous la plume d'un journaliste scientifique, l'annonce suivante concerne donc un article qui va paraître dans la grande revue Nature et qui démontre par un biologiste français qu'il y a une sorte de mémoire de l'eau. Et puis ensuite, eh bien, cet article est publié avec un statut tout à fait à part, absolument exceptionnel, extraordinaire, puisque on sait que dans les revues à référer, les articles sont acceptés après avoir été regardés à l'extrême loupe, voire au télescope, voire au microscope, pour être publiés. Or là, cet article de Benveniste est publié, mais avec un commentaire critique. Alors on se demande ce qui se passe. Il y a un petit peu de volonté anti-mangeur de grenouilles de la part des Anglais de Nature, mais quel est votre commentaire ramassé? Parce qu'on pourrait en parler longtemps. Bien évidemment, la mémoire de l'eau n'a jamais existé. C'est une dilution à l'analogue à celle de l'homéopathie. Oui, je crois que c'est clair. La revue Nature, ce qu'elle a fait, elle a fait un petit coup de publicité. Il faut pas oublier que Nature, c'est pas une revue d'association de scientifiques. Hein. C'est une revue commerciale, donc très très cotée et tout. C'est une des meilleures revues au monde en science. Ça, on est bien d'accord. Très cher. Évidemment, voilà. Et puis ils comptent sur la vente. Hein. Ils avaient déjà fait la même chose. Ils avaient fait le même coup, le scoop, disons, médiatique avec Uri Geller, deux physiciens, qui avait fait un article sur Uri Geller qui soi-disant prouvait ses pouvoirs. Il y avait déjà, à l'époque, c'était même pas le même rédacteur en chef, c'était pas Maddox à l'époque, ils avaient fait un éditorial pour un petit peu démystifier justement l'article qu'ils étaient en train de publier. Et là, c'est pareil, avec la mémoire de l'eau, ce qu'ils ont fait, et ce que les gens oublient, c'est que dans le même numéro de la revue Nature, ce qu'il y a, il y a une introduction, il y a un éditorial qui dit que ce sont des expériences naïves, que les conclusions ne sont pas correctes, etc. Donc, je veux dire, il y a l'éditorial qui démonte en quelque sorte la publication que eux mettent dans le même volume, quoi. Oui. Donc c'est très très particulier, et en fait, bon, ça a été démystifié assez rapidement. On s'aperçoit qu'au niveau statistique, c'était pas correct, il y a pas mal de données qui sont un petit peu bizarres. Hein. Stewart avait conclu, les données ne sont pas scientifiquement saines, grosso modo, ça veut dire que les données ont été un petit peu modifiées, quoi. Bah, j'en ai été l'acteur direct, puisque j'avais à l'époque invité Jacques Benveniste, à venir parler simplement de ces résultats chiffrés avec un physicien habitué, évidemment, à analyser dans les signaux s'il y a du bruit, et de bien faire le départ entre le bruit et l'information. Et évidemment, là, le physicien des hautes énergies habitué à regarder de près n'avait vu que du bruit de toute façon, et là, curieusement, il y avait c'est même étrange vis-à-vis de la psychologie de la découverte, mais Jacques Benveniste en était venu aux mains pendant ce direct. C'est la chose est quand même étonnante. Ouais, alors, c'est assez étonnant. C'est quand même une histoire comme ça, ça montre quand même la fragilité, et on le voit maintenant avec d'autres, là j'extrapole un petit peu, mais on le voit avec les questions de bibliométrie, donc l'alignement des références faites pour évaluer la valeur d'un labo ou d'un chercheur. Quand une revue comme Nature se met à un tel point de trahir sa légitimité dans ce qu'il a fait, c'était vraiment pas bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est clair. On est vraiment dans la période publier ou périr. Hein. C'est ça qui est venu du monde anglo-saxon et qui s'est répandu. Et à l'heure actuelle, il faut vraiment essayer de publier le plus rapidement possible. Donc, je crois que c'est ça qui finalement fausse complètement un petit peu, eh bien, le niveau des publications. Il y a de plus en plus de démentis au niveau des publications, de retraits des publications. Donc, oui. Ça montre bien que manifestement, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système, quoi. Oui. Alors revenons, là c'est un exemple que vous donnez tout au début, mais là encore je le trouve assez drôle. Il y a eu une vague au début du XXe siècle de spiritisme. C'est-à-dire qu'il y avait des ectoplasmes qui se promenaient. C'était d'ailleurs une pratique très mondaine. Victor Hugo, au XIXe, avait beaucoup pratiqué le dialogue avec les fantômes, ainsi de suite. Et là, vous expliquez, donc je vais vous laisser faire, c'est qu'il prenait des précautions. C'est-à-dire que celui qui était capable de phénomènes paranormaux qui pouvaient se produire dans une pièce... Bah, raconter, quoi. On éteignait la lumière, et puis, qu'est-ce qu'on faisait? Il était contrôlé. Il y avait, disons, un huissier ou une personne qui faisait le rôle du juge ou de l'huissier, qui était censé contrôler les mains et les pieds du médium. Donc, le contrôleur posait ses mains sur les mains du médium et posait ses pieds sur les pieds du médium. Ensuite, on faisait l'obscurité petit à petit dans la pièce. Vous savez, les esprits, ils ont les yeux fragiles, donc il faut qu'il y ait une basse lumière. Et oui. Donc on baisse la lumière, et puis à ce moment-là, il y avait par exemple un bout de craie d'une ardoise qui était placée sous la table. La table où il y avait le médium et le contrôleur, hein, ou alors il mettait un petit fil suspendu et une clochette qui était accrochée à cette table. Et dans l'obscurité, alors que le médium avait les mains et les pieds contrôlés, eh bien on entendait la clochette tinter, ting, ting, ou alors on entendait la craie crisser sur l'ardoise. Au bout d'un moment, on faisait revenir la lumière, et ça donnait ce qu'on appelle toujours les messages spirites, c'est-à-dire le message qui était sur l'ardoise. Mmh. Et il se trouve que on a donc des constats de personnes qui ont assisté à ces séances et qui garantissent, donc c'est signé, c'est tamponné, c'est joli, il y a des noms à rallonge avec de jolis titres qui suivent, et qui nous disent le médium était contrôlé, les mains et les pieds. Or, oui. Tel qu'on a la description de l'expérience, ben c'est pas le cas. Les mains étaient contrôlées effectivement par les mains du contrôleur, mais lorsqu'on nous dit que les pieds du médium était contrôlé, c'est là qu'il y a un petit problème, c'est ce que j'appelle un effet paillasson. Oui. C'est un mot qui est utilisé à la place d'un autre, c'est-à-dire que c'est tout simplement les chaussures qui étaient contrôlées. Le contrôleur appuie sa chaussure sur la chaussure du médium, mais il suffit d'avoir une chaussure, vous savez, les chaussures de travail où vous avez une coquille d'acier au bout. Oui. Voilà, exactement. Et donc, le médium retire son pied tranquillement dans l'obscurité, il retire son pied de la chaussure, il a une chaussette qui a été découpée au bout, donc les orteils gardent toute leur agilité, et avec ça, il attrape la sonnette, ding, ding, sans aucun problème, il fait tinter, et il réintègre ses pénates ensuite avant que la lumière ne revienne. Donc ça marche très très bien. Ça a été démontré par Houdini d'ailleurs, hein, qu'il a fait devant l'Académie des sciences. Donc c'est des techniques vraiment très très simples. Et là, ça relève de ce que j'appelle l'effet paillasson, c'est-à-dire utiliser un mot pour désigner autre chose que ce que ce mot désigne. Oui. Et c'est très trompeur parce que c'est un effet qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, imaginez, j'ai la gorge un petit peu sèche. Et là, ça y est, j'ai bu un verre. Ben non, j'ai pas bu un verre, le verre est toujours là, j'ai bu le contenu du verre. Donc c'est un effet paillasson, en utilisant mot pour désigner autre chose. Oui. Pourquoi l'effet paillasson? Parce que souvent vous avez un paillasson, à côté il y a un écriteau, sur cet écriteau il y a marqué « Essuie vos pieds SVP » et vous pouvez demander autour de vous, personne s'enlève les chaussures, les chaussures et les chaussettes. Et les chaussettes, n'oubliez pas. Pour s'essuyer les pieds. Donc le fait de subir des effets paillassons continus, c'est de la métonymie finalement, hein, oui. Dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est que finalement c'est très difficile de le détecter quand on est dans le domaine du paranormal, parce qu'on y est habitué malheureusement. Alors, dans l'année 1987, voilà que sur Minitel, ça ne nous rajeunit pas, vous lancez le Grand Prix, Brock, Majax et Théodore, le Belge, qui sont drôles, hein, ils sont pas seulement tarteurs, mais ils ont l'esprit, ils ont beaucoup de malice, en tout cas. Et c'est quand même quelque chose d'important, puisque valable internationalement, ce prix a donc été porté à un montant de 200 000 euros, encaissable immédiatement à toute personne qui pourrait produire sous contrôle un phénomène paranormal de quelque type que ce soit, que vous, donc, Brock, Majax et Théodore, ne pourrez pas expliquer. Oui. Eh bien... oui, ça a démarré. En fait, on a démarré... alors, la genèse exacte, c'est on a démarré en 86 À l'époque, il y a un service Minitel qui s'est créé à l'Université de Nice, service Minitel officiel hein, de l'Université de Nice. C'était 3615Z, c'est l'abréviation de zététique. Et il y avait plusieurs milliers de mémoires, il devait y avoir entre 4 et 5 000 pages d'informations scientifiques sur tout ce qui touche au paranormal et à l'occulte. Donc c'était vraiment le début finalement, un petit peu du contenu du site du laboratoire qui est à l'heure actuelle. Là c'était un service Minitel officiel de l'université. Et sur ce service Minitel, j'avais lancé avec Gérard Majax, donc l'illusionniste, oui, un appel à preuve. À savoir, pour les détenteurs de pouvoirs spéciaux, je leur avais dit, vous prétendez avoir des pouvoirs, ok, venez nous le prouver. Et il se trouve que tout de suite après, donc ça c'était en 86, vers la fin 86, au début de 87, en février 87, lors d'un colloque à Bruxelles, j'ai rencontré donc un scientifique belge, Jacques Théodore, un immunologiste, et qui lui a dit, ben moi, sur cet appel à preuve, je peux mettre de l'argent. Donc de ses deniers personnels, il a décidé de faire un chèque, un prix, donc pour ce défi, et c'est là, donc en février 87, que c'est devenu le défi de départ, l'appel à preuve en quelque sorte, est devenu le prix défi 3615Z. Et là, il y avait un montant de 500 000 francs en français. Mmh. En 92, si j'ai bonne mémoire, c'est quand on a eu la centième candidature, on est passé à 1 million de francs français. Bah allons jusqu'à ensuite, la fin, quoi, puisque ça a été fermé, il était à 200 000. Hein. 200 000 euros. Oui, au moment de la clôture. Hein. Et là, c'était donc en février 2002, et vous dites que 264 personnes ont tenté de relever à des degrés divers le prix. Toutes les tentatives qui ont été accomplies dans leur méthode et détail avec le plein accord des candidats, aucun test ne s'est imposé. C'est eux qui décidaient du protocole. Nous, après, évidemment, on menait l'expérience comme il faut, mais tout a été fait en parfait accord avec les candidats. Oui. Nous, ce qui nous a déjà le plus surpris, c'est que la quasi-totalité des candidats, des 264 candidats qu'on a eu pour ce prix défi, étaient des gens de bonne foi, de toute bonne foi, qui pensaient réellement avoir des pouvoirs, mais qui n'avaient jamais eu l'idée de se tester, de faire des petits tests très très simples, des tests de contrôle, mais par exemple en aveugle ou en double aveugle. Ils n'avaient jamais fait ça. Oui, bien sûr. Et donc, on a pu concevoir des petits protocoles simples, mais bien menés, et donc on s'est rendu compte à ce moment-là, soit qu'il n'y avait rien qui se manifestait, aucun pouvoir qui se manifestait, soit un pouvoir qui se manifestait, mais qui n'était pas du tout, comment on pourrait dire, dû à ce qui était revendiqué. Je vous donne un exemple. Une personne, donc Monsieur Tomic, nous contacte en disant qu'il a un pouvoir de psychokinèse et qu'en se concentrant... C'est-à-dire bouger les objets à distance. Bouger les objets à distance, psychokinèse, télékinèse. Hein. Et il nous dit qu'en se mettant dans une toute petite pièce, en se concentrant, il peut faire bouger les portes ou les fenêtres. On dit, bon, ok, ben, si vous voulez, on fait un test. Donc, on décide de monter un test, on fait un petit protocole très très simple, il nous dit, il faut que ce soit une pièce toute petite, etc. On fait l'expérience au laboratoire, et effectivement, il se concentre, et ça marche. Ça marche, effectivement, ça marche. Il y a un mouvement de la porte, un mouvement à la cadence décidée par le médium, entre guillemets, médium. Sauf que, ce qu'il avait oublié de nous dire, en toute bonne foi, non seulement il se concentrait au point de vue cerveau, mais il se contractait aussi. C'est-à-dire qu'il faisait contracter ses muscles, musculairement, les pectoraux et les abdos. Sédomir, donc son prénom, il fait 1m94, hein, c'est un grand gabarit. Hein. Donc il contractait les pectoraux et les abdos, il faisait donc une variation du volume accessible à l'air, donc une variation de la pression de l'air. Eureka. Et c'est la pression de l'air qui agissait sur la porte, qui faisait bouger. Et donc, je lui expliquais au tableau, j'ai fait la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, et tout de suite, on a pu voir que ça fonctionnait. Et on a fait une petite expérience, parce qu'il y avait une journaliste qui apparemment n'était pas vraiment convaincue. Donc j'ai simplement pris une poubelle en plastique. J'ai mis un bout de caoutchouc, un bout de chambre à air, un bout de caoutchouc sur la poubelle, un gros scotch d'emballage pour bien le tenir scotché dessus. Je me suis mis au même endroit que le médium. J'ai mis mon poing sur le caoutchouc, et puis j'ai fait 1, 2, 1, 2, 3. Et la porte, elle faisait 1, 2, 1, 2, 3. Exactement à la cadence où moi j'appuyais sur le caoutchouc. Variation du volume accessible à l'air, variation de la pression de l'air, mouvement de la porte ou de la fenêtre. Et oui, voilà, il paie les deals, comme disaient Pierre Dac et Francis Blanche. Et donc vous avez cette phrase, là c'est vraiment... faut reprendre son souffle, parce que l'affirmation, puisque... Il y a un fossé complet, hein, gigantesque, immense entre ces affirmations préalables de tous ces gens ayant des pouvoirs spéciaux et les manipulations qu'ils peuvent obtenir. Et ben vous écrivez tout simplement, pas même le frémissement d'un commencement, d'un soupçon de petite preuve. Oui. Et ça a duré pendant les 15 années de ce défi. Donc, alors je passe aussi les stigmates à distance, celui qui produisait, enfin bref, ça n'arrête pas. Vous avez eu la malice, mais là, juste un mot, vous étiez à la télévision, donc encore avec des histoires de paranormal. Et là, je vous laisse raconter, vous avez vu comment, c'est, là encore, le détail doit être vraiment d'une grande importance. Vous regardez, vous avez perçu qu'il pouvait être au courant, vous avez, en voyant la personne témoin se concentrer avant de nommer je sais plus quoi, je sais plus l'histoire. Peu importe, oui. C'est le fond. C'est vous qui avez eu l'œil de voir, je vous laisse dire. Ouais, mais c'est très caméra. Très particulier. C'était dans un droit de réponse de Michel Pollack, où il y avait Gérard Majax donc d'un côté, moi de l'autre, on devait tester un couple de télépathes. Et pour pas qu'il y ait de problème, tout passait par la régie. En fait, depuis la première salle où la personne se concentrait, le signal était envoyé en régie, et la régie envoyait le signal à la personne, au récepteur. Il y avait l'émetteur d'un côté, le signal top, c'est bon, on se concentre, partait à la régie, et de la régie, ça allait au récepteur. Donc ensuite, il devait faire le message télépathique. Et il se trouve que j'ai remarqué que la personne, le récepteur, si vous voulez, se concentrait avant même que la régie ait envoyé le top. Ouais. Et en fait, c'est un canal d'information auquel on n'avait pas du tout passé. Ça passait par le casque du caméraman. Le caméraman qui était du côté du récepteur, donc qui filmait, il avait le volume sonore suffisamment élevé qui fait que lui, il avait le top dans son casque et la personne qui était à côté, donc le médium qui devait se concentrer, l'entendait. Donc ça veut dire que si imaginons qu'ils aient voulu tricher et qu'ils avaient un petit système de codage pour transmettre, hein, ils reniflent une fois, ils reniflent deux fois, etc. Ils auraient pu finalement obtenir des résultats qu'on n'aurait certainement jamais réussi à expliquer, alors qu'il y avait un canal d'information finalement entre les deux, alors qu'on pensait avoir tout bien contrôlé, quoi. Donc ça veut dire que c'est vraiment vraiment difficile de concevoir une expérience qui soit vraiment scientifiquement saine, pour qu'il y ait vraiment absolument aucun canal de communication. Henri Brock, il est 16h50 et il nous reste trois thèmes à aborder. J'aimerais bien qu'on puisse les aborder. Je vais vous les dire, mais dans le désordre. D'abord, vous êtes capable de prédire les numéros du loto, vous l'avez fait, hein, ça a été publié, ça a été dans ce matin, vous êtes donc tout à fait un grand médium, zététique bien sûr, et puis aussi, oui. En ce moment, vous testez, ou vous avez testé, donc dans le laboratoire, un charmant monsieur qui dit qu'il a la capacité d'empêcher la prolifération des bactéries sur les citrons. Je me demandais si il avait choisi des citrons verts ou des citrons jaunes, vous nous donnerez la réponse, mais je voudrais tout de suite aborder, donc essayons de remplir ce petit protocole. Vous êtes aussi un pyrobate. Vous pratiquez la pyrobatie, c'est-à-dire vous marchez à pieds nus sur les cendres. Il y a une photo de vous. Vous êtes un vrai paranormal. Non, je suis physicien. Henri Brock, je pense que c'est ça qui explique. Alias le pratiquant de pyrobatie, la miraculeuse marche sur le feu. Alors, sur le feu, oui, j'ai fait ça la première, j'ai fait à Marseille au CNRS, au grand laboratoire, au GLM, grand laboratoire de Marseille, du CNRS, et en fait on avait organisé une conférence, on m'avait demandé de traiter justement les phénomènes paranormaux, dont en particulier la marche sur le feu, et puis eh bien les organisateurs avaient dit, bon ben après la théorie, la pratique, et donc ils ont fait un grand feu... du bois, du chêne, etc., bien brûlé pendant un petit moment. Puis après, il y avait une piste, donc c'est une longueur d'à peu près 400 mètres, température mesurée à peu près 700 degrés Celsius. Donc c'est vrai que c'est vraiment, vraiment impressionnant. On hésite un peu avant d'y aller. Mais en fait, ça marche assez bien. Disons, il y a de faibles risques de brûlure. Alors, pour que les auditeurs... Allez, on fait un peu de physique, là, maintenant. On fait un peu de physique. Explication. Explication. Mais avant l'explication physique, faible risque de brûlure. Il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est de faible risque de brûlure. Oui. Je ne dis pas risque de brûlure faible. Oui. Il y a de faibles risques, c'est les risques qui sont faibles, c'est pas les brûlures. Hein. Si on se brûle, on se brûle bien. Oui. D'accord? C'est juste pour que sémantiquement ce soit bien bien clair. C'est ça. Il y a de faibles risques de brûlure. Si on garde une braise entre les doigts de pied, on est gravement brûlé. Bien sûr. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'il faut se mouiller les pieds avant. Moi je dis non. Alors justement, il faut bien sécher. Ouais, il faut bien sécher les pieds pour éviter d'avoir une braise qui soit collée sous les pieds. Alors pour la thermo maintenant donc. Alors un peu de thermo. Alors les matériaux sur lesquels les personnes marchent ont une faible capacité calorifique. Hein. Et puis il y a une très mauvaise conductivité thermique. Alors il faut expliquer ça. Hein. C'est-à-dire dans quel état il faut mettre ses pieds, quoi. Oui, c'est même pas dans quel état il faut mettre ses pieds, parce que c'est sûr qu'on va pas s'arrêter au milieu en disant coucou, fais-moi une photo. Hein. Donc, non, mais il y en a qui la jouent pieds mouillés, d'autres qui sèchent au contraire très très. Oui. Il faut sécher, ça c'est pour ne pas avoir une braise collée sous les pieds. Et ensuite, ce qui intervient, c'est deux, enfin il y a plusieurs paramètres, mais les deux paramètres principaux, c'est deux paramètres physiques. Je vais prendre un exemple pour expliquer, pour que ce soit plus clair, je fais toujours comme ça avec mes étudiants. Donc je prends un poulet, je le mets dans un plat, je le mets au four, et je règle, par exemple, en fonction de la taille du poulet, hein, mais je vais mettre grosso modo 45 minutes, et je mets le four à 200 degrés. Donc ça va chauffer, ça va atteindre 200 degrés, et ça va chauffer pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, vous entendez tit tit tit, ça vous signale que ça y est, on est arrivé au bout de la minuterie, donc ok, le poulet est cuit. Ça a chauffé pendant 45 minutes, réglé à 200 degrés. Donc on est d'accord, dans le four, tout est à 200 degrés. Bien sûr. Tout, absolument tout à 200 degrés. Le gâteau, l'air... Disons-le, voilà, le gâteau, l'air et... Le poulet, le plat, le poulet, pardon. Du four, l'air, tout ça, tout est à 200 degrés. Oui. Quand on ouvre le four, personne n'a peur de mettre sa main dans l'air du four. Oui. Pourtant, c'est de l'air à 200 degrés. Et oui. Mais la capacité calorifique de l'air est faible et la conductivité thermique de l'air est très très faible, c'est un quasi-isolant. Donc ça amène peu de chaleur à la main alors que sa température est de 200 degrés. Si maintenant on touche le poulet, là ça commence à faire un petit peu chaud. Et si on touche le métal, disons, ou le verre du récipient dans lequel il y a le poulet, bon, là c'est sûr, on se brûle. Et si on touche les parois du four, alors là on est bien brûlé. Pourquoi ? Parce que la conductivité thermique de ces matériaux est beaucoup plus forte que le bois. Le bois est un quasi-isolant au point de vue conductivité thermique, c'est-à-dire qu'il conduit très mal la chaleur d'un point à un autre. Donc quand on pose les pieds, quand vous posez votre pied sur les braises, évidemment, vous prenez la chaleur des braises qui sont en dessous, vous stoppez aussi la réaction chimique, hein, c'est ça qui est bien instantanément, mais c'est vrai qu'on prend la chaleur qui est en dessous. Donc votre pied va monter en température, mais il va monter moins que ce que le bois a perdu. Parce que la capacité calorifique du corps humain, grosso modo 60 à 70% d'eau, est beaucoup plus forte que la capacité calorifique du bois. Et puis, la conductivité thermique du bois est très très faible, comme je vous disais. Ça veut dire que quand le pied est posé, quand je mets mon pied sur des charbons, les charbons environnants n'ont pas le temps d'amener la chaleur à mon pied que moi, j'ai déjà avancé, sans courir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Il ne faut pas courir, il faut marcher normalement, ne pas marcher vite. Comme on a un peu peur, on a tendance à aller un peu vite. Une journaliste qui a voulu le faire, elle a eu peur, elle a couru droit devant et elle s'est brûlée parce qu'elle n'a pas eu le réflexe de sauter sur le côté. Avec la peur, elle a couru droit devant. Donc il faut éviter de courir et éviter de marcher très vite. Il faut marcher normalement, mais même en marchant normalement, comme on marche dans la rue, je ne sais pas, à 4 ou 5 km par heure, grosso modo, le temps de contact du pied avec le sol, c'est de l'ordre de la demi-seconde. Donc ça suffit pour ne pas être brûlé, ça suffit pour reventiler le pied. Pour faire le pas d'après. Donc ça marche assez bien et ça relève finalement de principes physiques. Et donc de le voir pratiquer de manière sacrée, de manière tout à fait mystique par des tas de dans des tas de civilisations, bien c'est empiriquement que certains malins qui devaient d'ailleurs avoir de beaucoup de cornes aux pieds, hein, parce que ça aide la corne. Oui, ça aide. Ouais. Ont pu éviter les brûlures. On est arrivé au terme, malheureusement, on ne pourra pas parler de vos essais, donc de vos prédictions absolument avérées. Donc je renvoie bien sûr à vos ouvrages concernant donc les exacts numéros du loto publié dans le numéro. Ben ça, ma foi, il faudra se reporter. Le mystère demeure, il faut aller au cœur de l'extraordinaire. Au cœur de l'extra-ordinaire d'Henri Brock, mais sans oublier comment déjouer les pièges de l'information et l'art du doute, tout ça, mais vous pourrez vous reporter aussi, tout ça est bien sûr sur le site de France Culture à l'émission Continent Science. Continent Science dont c'est le thème. Merci Henri Brock, bon retour à vous dans votre petite montagne. Merci en tout cas, auditeurs, de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques restent toujours et encore les bienvenues. À la technique pour et à France Bleu Azur, Pierre Tiberino. Ici à la technique, Nicolas Delmas et Joël Le Guéhennec. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Dany Journeau. Stéphane Delisgeorges, comme vous le savez, Continent Science et Balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe comment, selon votre guise, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, vous pourrez bien évidemment retrouver avec plaisir René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter une très belle après-midi sur France Culture.